Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, masculin. Est-ce ainsi que les hommes se vivent ? Une série documentaire de Juliette Boutillier, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a le séisme Weinstein, le hashtag MeToo, son cousin Balance ton porc, les zones désespérément grises du consentement et la pétition sur le droit d'importuner les femmes dans le métro, rédigée par celles qui ne le prennent pas. Et puis, il y a les jours d'après. Ce constat qu'à nous, en tous les cas, il n'est jamais rien arrivé. Et soudain, ces dizaines d'histoires qui remontent à la surface. Alors il y a les conversations qu'on a avec les garçons et cette question qui reste, comment se fabriquent les hommes et comment ils tentent de se débrouiller avec les injonctions contradictoires. Alors pour commencer, les personnages. Un féministe sincère, Woody Allen comme modèle, un aide-soignant doux et frêle, un prof de séduction, une chercheuse qui scrute, des alpha mâles, une artiste qui dessine la rencontre, un mec qui ne veut pas se battre et des hommes en guerre. Ensuite le décor. L'art de séduire, le doute, des virilités mouvantes, des rencontres, un atelier de mécanique ou de sculpture, de la douceur, du coaching, des cibles féminines, des stratagèmes, des rôles, des moulages, le pouvoir qu'on veut garder, une théorie du complot, des injonctions contradictoires et la boîte de nuit. Aujourd'hui, dernier épisode, on arrive à un colloque. L'homme nouveau, c'est un dosage difficile. Il faut être viril, mais pas macho, sécurisant, mais pas dominant, tendre, mais pas mou, féminin, mais pas efféminé, protecteur, mais pas inquisiteur, vulnérable, mais pas fragile, sensible, mais pas sans sensiblerie. Donc, c'est extrêmement difficile. Et quand vous rencontrez un homme nouveau, vous les femmes, surtout ne leur faites pas peur, parce qu'ils sont très fragiles. Masculin. Est-ce ainsi que les hommes se vivent ? Être un homme, masculinité plurielle, portrait de quelques hommes après la révolution féministe. Vincent Deck, Juliette Boutillier. Les trois questions de base qu'on vous pose en soirée, toujours, quand vous rencontrez quelqu'un. Qu'est-ce qu'on te pose quand t'arrives en soirée ? Le prénom, souvent le métier. Tu viens d'où ? Tu fais quoi ? Est-ce que c'est une menace en face de moi ou est-ce que c'est quelqu'un comme moi ? On a besoin de se dire, c'est bon, je l'ai mise dans un cadre. Maintenant, le travail de l'apprenti séducteur, ça va être de creuser, ça va être de poser des questions et ça va être surtout de ne pas se contenter d'une réponse plate. Les hommes que je côtoie et que j'aime offrent des fleurs. Ils supportent l'OM, ils roulent à vélo, cuisinent des gnocchis, caressent les chiens, n'ont pas honte de lire de la poésie. Ils n'ont pas fait le service militaire, ils ignorent ce qu'est un alpha mâle, ils langent les bébés et utilisent des Kleenex quand ils pleurent. La personne avec laquelle je vis n'est rien d'autre qu'un homme, une femme, comme les autres, élevée sous des siècles de patriarcat. Alors, homme nouveau ou ancien ? Qui sont ces autres ? Sommes-nous si irrémédiablement différents ? Comment la révolution féministe a-t-elle bouleversé le masculin ? Les hommes ne posséderaient-ils pas leurs contradictions intimes, semblables aux miennes, en résonance plus ou moins grande avec un avant, un après 68 ? Pour évoquer cette condition masculine, c'est tout d'abord Sylvain Gire que je sollicite. En fait, ce qui me semble, c'est que le féminisme, la révolution féministe, qui est peut-être des révolutions les plus importantes du XXe siècle, et puis dont on voit qu'elle n'est pas finie, qu'elle se poursuit encore, forcément, elle a eu un impact sur les hommes. Mais cet impact-là, il me semble qu'il n'est pas pensé de la même façon que sur les femmes. Moi, j'ai été élevé par une mère qui se considérait comme féministe, qui travaillait, qui avait une vie indépendante et qui a élevé ses garçons avec certaines valeurs et tout. Et moi, j'ai 54 ans, ma génération et les générations qui suivent encore plus, les garçons ont eu quelques rudiments de féminisme. Sauf que il n'y a pas les mêmes modèles pour les hommes, ni en théorie. Il n'y a pas de Simone de Beauvoir pour les hommes, il n'y a pas de Virginie Despentes. King Kong Théorie de Virginie Despentes, c'est le grand livre féministe pour les jeunes générations. Et les journaux masculins, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, si on ne correspond pas au modèle masculin archaïque type, il n'y a pas grand-chose pour nous. Le modèle masculin qui serait pas un modèle viriliste, macho, il est très difficile à trouver. Quand j'étais adolescent, donc dans les années 70, les modèles masculins, ce sont Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Ou alors, versant américain, c'est Steve McQueen et Robert Redford. Bon, il y a quelqu'un qui a été très important pour moi, mais c'est étrange d'en parler dans le contexte parce que il s'agit de Woody Allen. Donc Woody Allen, on sait qu'évidemment il y a de grosses suspicions qui pèsent sur lui de viol. D'accord. Mais Woody Allen a permis à des millions d'hommes de revendiquer une séduction en étant chétif, pas beau, névrosé, inquiet, bavard, etc. Parce qu'il était sexy et marrant. Ou du moins, il était sexy parce que marrant. Et il rattrapait le coup pour nous. Et je dirais même qu'il servait d'excuses et de prétextes à nos copines, à mes copines en tout cas, je ne vais pas dire nous, je vais dire je. En gros, il y a un côté, bon d'accord, ce mec n'est pas très beau, mais il est genre Woody Allen. Et quand une fille disait, ah toi tu me fais penser à Woody Allen, ça voulait dire, t'es sympa, tu me plais, t'es marrant. C'était un peu le seul modèle qu'on avait si on ne se conformait pas à une certaine posture de la virilité. Parce que être un garçon, quand t'es élevé dans ce contexte féministe, quand t'es plutôt versé dans les livres, dans l'imaginaire, dans la culture, ça reste quelque chose qui n'était pas évident dans ces années 70. Moi, j'avoue que je fais partie de ce genre de garçon qui était surtout entouré de filles. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai grandi dans des chambres de filles. Dans un coin, avec des chambres de filles qui discutaient, qui écoutaient leur musique de filles, donc qui ont beaucoup compté pour moi. Patti Smith était un personnage extrêmement important dans ces années-là. Nina Hagen, Brigitte Fontaine, enfin voilà. Les garçons, David Bowie a été extrêmement important. Pas des gens comme moi, David Bowie, dans son côté androgyne, son côté, son espèce de virilité, féminité mêlée. Voilà, c'était des gens importants. Mais il n'y a pas grand-chose comme modèle masculin pour nous. Peu de représentation, bon, ça commence maintenant dans les comédies, il y a des nerds, des geeks, il y a des gars, bon. Mais voilà, en tout cas, moi, quand j'ai grandi, c'était pas évident. Des empreintes. La bibliothèque des empreintes. Là, je vais commencer à avoir des problèmes de stockage, parce que Tous ces moules, ils prennent de la place. Tous ces morceaux de nénette. Alors, ça, c'est une empreinte. La terre a rétréci. Là, pour le coup, on est sur une série de bustes. J'ai travaillé sur le positionnement des seins, la gravité. Et si, Nicolas, tu devais sculpter ou faire une empreinte d'homme, quel corps masculin tu choisirais ? Jusqu'à présent, les mecs, voilà, j'en ai pas trouvé d'assez bien gaulé ou charpenté pour me donner envie d'aller dans cette direction. Le corps de l'homme, pour être sculpturalement intéressant, il faut vraiment qu'il soit un Apollon avec des tablettes de chocolat incroyables, des trapèzes, des muscles saillants. Sinon, il est un peu plat, il est vite bedonnant, il est vite ennuyeux. Quand je suis rentrée tout à l'heure, j'ai vu en premier lieu la grosse moto. Après, j'ai tourné le regard, j'ai vu afficher sur la porte les calendriers rétro avec les filles à poil et ton chien noir, musculeux. C'est quelque part que des images de la virilité, pour le coup. Je suis pas sûr que ce sont des images qui me correspondent maintenant. Autant à une époque, oui, il y avait, j'ai eu ce beaucoup plus présent, les calendriers de nénettes à poil que des fournisseurs d'outillage. Le chien noir, hein, qui... Mais là, je m'en fous un peu. Putain, même ma moto, je vais la revendre. Je la trouve un peu trop lourde. Par rapport au masculin, dans ton rapport de séduction à l'autre, à la femme ou aux femmes, est-ce que tu as eu l'impression de dégager une virilité, et laquelle ? La virilité, c'est drôle parce que c'est un mot que j'utilise rarement ou pas, parce que je le trouve un peu cloisonnant peut-être pour un homme. C'est plus en termes d'énergie. L'énergie que tu es capable de mettre en œuvre pour être dans cette rencontre. Mais oui, moi, je parlerai plus d'énergie que de virilité. Et est-ce qu'il y a une énergie masculine, une énergie féminine ? Ah oui. De toute façon. Là où l'homme va chercher, va conquérir la femme est dans cette énergie, cette présence qui reçoit, qui accueille. Souvent, oui, très souvent, c'est l'homme qui va chercher, qui part à la conquête d'eux et qui se met dans la projection de son désir vis-à-vis de la femme. Et ça, c'est un petit peu attendu ou stéréotypé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'avoir une énergie masculine que d'être conquérant ou d'aller vers et les femmes accueillent ? Il n'y a pas d'autres alchimies que ça dans le masculin, le féminin ? Ben, dans la rencontre, je suis pas sûr. J'ai dû me poser effectivement des questions par rapport à ce que moi en tant qu'homme j'étais prêt à faire. Enfin, je sais pas, moi dans mon métier je dois caresser des gens, je dois être doux, c'est ça mon métier, c'est d'être doux avec les gens. Et effectivement, il y a un moment en tant qu'homme, quelque part c'est pas très normal d'être pour un homme d'être doux. Chez les aides-soignantes c'est quand même assez... Moi, c'est un peu par défaut. Il fallait que je trouve un boulot avec une formation rapide. Enfin, voilà, j'ai vite arrêté l'école. Enfin, moi, la grande chance que j'ai eue, c'est que ça m'a plu. Ce métier attirait pas les hommes parce que ça implique trop. Enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a... Enfin, il y a des comportements d'hommes à l'hôpital. Je vois qu'ils sont coincés dans des espèces de schémas comme ça où... Parce qu'il y a quand même d'autres hommes. Dans mon service, il y a trois hommes, en fait, aides-soignants. Y en a un qui est quelqu'un de très viril et qui, effectivement... Enfin, moi, je sens bien qu'il est dérangé par ça. Et quand il me voit être doux comme ça avec les patients, bon, ben, il dit rien. Mais plus ou moins, me demandait si j'étais pas homo ou des choses comme ça. Et ça le dérangeait, tout ça. Enfin, on sent qu'il se retrouve... Donc en fait ils sont bloqués, enfin, c'est vraiment leur dernier... Non mais c'est terrible, hein. Enfin, moi je suis triste pour eux, vraiment. Vous étiez déjà un petit garçon, un jeune homme doux, ou cette douceur vous l'avez aussi approfondie avec votre travail? Bon, on m'a toujours dit en tout cas que moi j'étais doux. On est dans des clichés, mais je veux dire, moi à l'école j'aimais pas me battre, j'ai jamais vraiment compris en fait... Les bagarres d'hommes où fallait se montrer physiquement, il fallait montrer qu'on soit plus fort que l'autre, des choses comme ça, ça m'a jamais intéressé. J'ai jamais été dans des trucs de virilité comme ça, mais j'en ai souffert en même temps, j'en ai vraiment souffert. Je sais pas, je suis assez mince déjà physiquement je me rappelle au collège, pour moi c'était super dur, enfin, de me déshabiller devant les autres, où je savais pas en fait qu'on pouvait. Enfin, c'est étrange, hein, mais... Enfin bon, mon histoire de vie, en tout cas, a fait que pendant des années, toute mon adolescence et tout ça, j'ai pas eu beaucoup de rapports avec les femmes, en fait. C'était assez... Bon, voilà, il y a une période de ma vie, maintenant, ça va, mais j'étais trop, pas assez sûr de moi ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, en tout cas, dans mon adolescence, j'avais pas beaucoup de rapports avec les femmes et j'en ai souffert. J'ai appris en fait à connaître les femmes dans mon travail. Enfin, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé, je pense, qui a été assez libérateur pour moi. Il faut se l'autoriser à être doux. Moi, par exemple, ça m'arrive de coiffer mes patientes. De les coiffer, de leur faire des trucs de femmes, en fait. Donc, je leur nettoie le visage très tendrement, des choses comme ça. Mais moi, dans mon service, les collègues que j'ai avec moi, pour moi, c'est vraiment des mecs... qui ont comme ça ce truc de virilité en eux. Ils sont obligés de faire sentir que c'est des mâles un peu... Ils n'arrivent pas à sortir de ce truc comme ça. Mmh. le coaching Char de séduire. D'abord, on va te faire passer un petit questionnaire. C'est quoi la femme idéale? C'est quoi l'homme idéal? Pour donner quelques éléments de théorie sur qu'est-ce qu'un homme séduisant, on va travailler sur tous les points qui vont lui permettre de faire plus de rencontres. Merci Célim. Moi, c'est vrai que tous ces trucs, c'est bête, mais social, quoi. Enfin, j'ai fait des études assez longues, j'étais souvent enfermé, plutôt jeux vidéo, tout ça, avant les études. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est plus ceux qui savent raconter des histoires, vous voyez, qui finalement arrivent plus à séduire les filles. C'est pour ça que si je. Enfin, là, je vois Célim, quoi, pour m'améliorer, moi, en fait. Beaucoup de nos apprentis séducteurs, ils sont là parce qu'ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de ne pas être assez bien. Et c'est pour ça que on a beaucoup de clients qui recherchent un process. Sur le site Art de séduire de Célim, je découvre ce lexique destiné aux novices de la séduction. Je note quelques définitions. AFC, un débutant qui n'a pas confiance en soi. Caractéristique principale, timide, plein de préjugés, innocent, mais souvent fier et arrogant. Needy, l'homme en demande. Frustré, collant, en recherche. L'homme qui n'a pas forcément l'expérience requise. Débarrassez-vous de votre côté needy. Sarge, synonyme de chassé. Alpha mâle, le premier de la classe, le mec préféré des filles. Celui qui attire l'attention, le leader. Ce monde des alpha mâles, Mélanie Gourarier l'a approché pour comprendre ces hommes qui se sentent dépossédés de leur masculinité et qui veulent maintenir cependant un pouvoir. Le travail que j'ai fait est un travail d'ethnographie en fait, que j'ai mené pendant 4 ans au sein d'un groupe qui s'appelle la Communauté de la Séduction. Et la communauté de la séduction, c'est un groupe qui est constitué exclusivement d'hommes qui se retrouvent entre eux pour mettre au point des techniques de séduction des femmes qui seraient infaillibles. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à quelle méthode, notamment des méthodes de coaching, quelle méthode de coaching on pourrait mettre en place pour parvenir à devenir un homme séduisant. Avec l'idée que l'individu peut s'améliorer lui-même et qu'il aurait les ressources en lui nécessaires pour devenir un être meilleur. On peut très difficilement dire combien ils sont, parce que qu'est-ce qui fait un homme de la communauté de la séduction? Est-ce qu'il s'agit d'hommes qui assistent à des cours de coaching? Est-ce qu'il s'agit d'hommes qui ont acheté la Bible du séducteur qui s'appelle The Game, qui est un best-seller international? Ou est-ce qu'il s'agit d'hommes qui vont, qui circulent un peu sur les forums internet? Ils considèrent qu'il y a une influence de moins en moins forte, de moins en moins puissante des pères paternels. Et c'est ce qu'il regrette, en fait, puisqu'il considère que la paternité était un vecteur majeur de la transmission de la masculinité. Donc, il n'y a plus le service militaire, il n'y a plus les pères paternels. Donc, il faut vraiment créer d'autres structures, d'autres institutions qui garantissent cette transmission de la masculinité, sans quoi elle est menacée. Et ça, c'est une source réelle de très forte d'inquiétude. Comment ça se passe concrètement? Tout ce à quoi j'assistais, c'était des hommes entre eux, qui parlaient entre eux, qui parlaient certes beaucoup des femmes, mais qui passaient tout leur temps entre hommes. Alors, dans leur pratique quotidienne, les femmes sont des targets, donc des cibles de la séduction, mais jamais elles ne participent au jeu de la séduction. Elles ne sont pas conscientes d'ailleurs du dispositif auquel elles participent, puisqu'on ne les informe pas qu'elles sont en train de servir d'outils d'un entraînement. Puisque, par exemple, quand ils s'entraînent à la séduction dans la rue, il peut y avoir même des observateurs extérieurs qui observent la scène. Il s'agit pour eux de s'améliorer. Donc à ce moment-là, elles ne savent pas, finalement, quelles sont les cibles d'un dispositif beaucoup plus large, à l'intérieur duquel elles ne sont jamais partenaires. Alors, tu vas te déshabiller? Ouais. Il faut que t'enlèves le t-shirt d'abord. Si tu veux que ça fasse un peu homme, muscles, poils, tout ça, il faut enlever le t-shirt. Et le visage, ouais, regarde par là. Ouais, essaye de te détendre un peu parce que pense à quelque chose d'agréable par exemple. Enfin, ouais, là c'est abusé. Je suis pas non plus en train de dire que je vais te rouler un patin quoi. Ouais, déshabille-toi complètement. Ok. Et maintenant... Alors, Pauline Rousseau, je perçois que dans cette création sonore, là, qui est une sorte de miroir inversé de la scène initiale de Blue Up, vous déshabillez les rapports de pouvoir entre les sexes en jouant, déjouant le sens du mouvement homme-photographe, femme-modèle. Mais pour votre travail autour de Tinder, vous avez photographié des hommes rencontrés via ce site. Alors en fait, j'ai une bourse pour aller faire une résidence d'artiste à New York il y a un an. Et donc j'ai commencé à travailler sur la rencontre amoureuse dans une ville comme New York, qui est totalement dans l'imaginaire collectif associé à la comédie romantique, la rencontre à l'américaine. Et donc je trouvais que c'était intéressant de travailler là-dessus dans cette ville-là et d'utiliser donc Tinder, qui est une application de rencontre que tout le monde utilise, hein, parce qu'il faut savoir aussi que New York est la ville au monde où il y a le plus de célibataires et donc aussi où les applications de rencontre sont les plus utilisées. Et en fait, ce qui est assez incroyable avec Tinder, c'est que donc il y a des algorithmes qui sont la géolocalisation. J'ai appris, on m'a dit aussi récemment que chaque personne avait une espèce de note qui en fait, selon le nombre de secondes que les gens passent sur votre profil, le nombre de likes que vous avez, et que du coup, vous avez une espèce de note, et que ça crée des algorithmes pour vous faire rencontrer la personne la plus, entre guillemets, appropriée. Donc, j'ai commencé à travailler avec Tinder, et il y a vraiment cette impression de supermarché de la personne. C'est-à-dire que les profils et les visages et les photographies s'enchaînent sans fin. Et donc, j'ai rencontré en vrai des personnes via Tinder. Donc, j'ai eu des dates, comme on dit aux États-Unis. Et pendant ces dates, je photographiais les personnes que je rencontrais. Qu'est-ce que vous avez perçu de ces hommes d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît? Alors déjà, c'est très drôle puisque j'allais parler aux hommes que j'avais entre guillemets matchés, puisque c'est comme ça qu'on dit sur Tinder, et que eux me répondaient toujours qu'ils étaient super contents que j'aille leur parler en premier. Donc c'est dire l'absurdité. On parle quand même de gens qu'on n'a jamais rencontrés. C'est une appli. Tout ça est complètement digital, impalpable, presque ça n'a pas d'existence. Et quand même, c'est dans l'ordre des choses que ce soit l'homme qui vienne écrire en premier. Donc ça montre aussi bien l'absurdité de ces injonctions. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de peur. C'est-à-dire il y a des choses qui reviennent. En fait, si on remet en cause, si on ébranle la masculinité hégémonique, qu'on se questionne sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'on remet en question toutes ces espèces d'injonctions qui existent depuis le XXe siècle et même avant, bah en fait, ça fait très très peur parce que la crainte que moi j'ai l'impression de voir, c'est en fait si les femmes peuvent aujourd'hui faire tout ce que font les hommes, l'idée c'est un peu qu'est-ce qui nous reste en fait, qu'est-ce qui leur reste, et ça c'est une crainte qui revient assez souvent chez les hommes que je rencontre. Je voudrais bien vous parler de, par exemple, Philippe Perrin. C'est un artiste qui a travaillé, lui, vraiment sur le bad boy, sur le boxeur, sur le brigand, sur la mafia, sur Mesrine, enfin voilà, sur des images d'une forme de masculinité extrême. Et donc cette grande extrémité, c'est-à-dire s'intéresser à ce point aux brigands et aux boxeurs et aux bandits, ça me pose des questions, quoi. Pourquoi aller interroger tout ça ? Franck Lamy, vous avez voulu interroger le masculin avec cette expo « Chercher le garçon ». C'était une exposition qui a eu lieu au Macval au printemps 2015. On est à un moment donné où en France sont très à la mode les questions de genre. C'est le grand débat sur le mariage pour tous, etc. etc. Et à ce moment-là, j'ai relu King Kong Theory, ce pamphlet très énergique et très énervé de Virginie Despentes, qui se termine par un appel aux hommes en disant en gros les mecs, arrêtez de penser à notre place et peut-être ce serait pas mal qu'à un moment donné vous vous interrogiez sur ce que vous êtes vous. Et comment se fait-il que personne ne l'ait jamais fait ? Et tous les artistes qui étaient convoqués dans cette exposition parlaient à la première personne du singulier. Et moi aussi, je parlais à la première personne du singulier. Maintenant, je peux le dire, c'était une exposition qui était un grand autoportrait. Il y avait beaucoup, beaucoup de mon intimité et c'était un autoportrait. Alors, je n'étais pas un petit garçon Moi, je suis né dans les années, fin des années 60. Moi, j'aimais bien jouer à la poupée, mais j'aimais bien jouer aux cow-boys et aux indiens aussi. C'est-à-dire que, au fond, pour moi, tout était possible. Dans ma construction personnelle, apparaissent des figures presque mythologiques, comme David Bowie, tous ces chanteurs du post-punk, de la new wave, qui correspondaient pas à ce que je voyais autour de moi, ni ce que je voyais à la télé. Enfin, David Bowie, la première fois que je le vois, c'est dans le clip de Ashes to Ashes. D'un seul coup, c'est une espèce de révolution visuelle pour moi. Je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, c'est incroyable que ça puisse exister. Ce type maquillé, un peu étrange. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui collait pas. Et je trouvais beaucoup plus intéressant ces individus qui présentaient une masculinité très, très en dehors des canons et de ce qui était pensable à l'époque. Enfin, alors, ce n'était pas des modèles au sens où j'avais envie de leur ressembler à l'identique. Néanmoins, je fabriquais mes fringues. J'avais mis en place une sorte de personnage public quand j'étais au lycée. De personnages publics qui étaient comme une sorte de sculpture, de statue qui mettait à distance toute forme de commentaire. C'était à base de grandes tuniques, j'avais des bijoux partout, du maquillage, des cheveux dans tous les sens, enfin voilà. Du coup, j'avais cette espèce de drôle de position, l'intello à lunettes qui traîne avec la bande de petits losers, et dans l'équipe, il y avait des vrais bandits. Hein. Je faisais pas de conneries, mais les vagues, moi, je les faisais avec mes fringues. C'est-à-dire se transformer en une espèce de sculpture qui fait qu'on est inatteignable. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Dans cette mise en question du masculin, on est devant cette œuvre de Laurent Morisseau, Found and Lost, le corps en chocolat d'un homme gisant. Ce corps en chocolat est donné en pâture aux spectateurs et aux spectatrices. C'est un corps nu, gisant, en chocolat, et avec des petits marteaux à côté. On est dans un geste de partage. Ce que je trouve fascinant, c'est de voir comment les gens se comportent et qui mange quoi. Et qui est le plus... Qui mange le sexe, par exemple Les fois où je l'ai vu, moi, les femmes étaient beaucoup plus agressives, beaucoup plus énervées sur ce corps masculin. Peut-être il y a des choses à régler, je ne sais pas. Et souvent, le sexe est mangé par les femmes. Il y a aussi une parole masculine qui doit émerger, qui doit être entendue, et qui n'est pas uniquement une parole, je vais employer tout le vocabulaire du féminisme nouvelle vague à la mode, une parole d'allié. On appelle ça les alliés. Bon, ok. Moi, c'est pas là où je me situe. La question, c'est quels sont les modèles qu'on nous impose, quels sont les modèles contre lesquels il faut se construire, mais comment on arrive à se construire et à faire émerger une virilité. C'est-à-dire, moi, ce qui me questionne maintenant, arrivé à 54 ans, c'est la difficulté et les erreurs d'interprétation que moi, j'ai pu faire sur les rapports entre les sexes, entre les genres. Un exemple, on parle beaucoup de harcèlement, à juste titre, du harcèlement de rue. Un garçon est beaucoup plus exposé aux agressions physiques qu'une fille. On a raison de sexualiser ces questions, parce que le harcèlement de rue, c'est une question qui s'inscrit dans le champ du sexuel, des rapports du masculin et du féminin, de prendre les femmes comme proie, mais c'est aussi une conséquence d'un rapport de force. Et en tant que jeune garçon, on est exposé constamment au rapport de force, et beaucoup plus que les filles, puisqu'il y a dans l'impensé des cultures populaires, on ne frappe pas les femmes. En tant que garçon, tu es susceptible d'être frappé. C'est-à-dire qu'il y a une séparation qui jouent dans la rue entre les hommes et les femmes, mais il y a une séparation entre ceux qui sont capables de se battre et ceux qui ne sont pas capables de se battre. Moi, j'appartiens à un type d'homme pour qui la violence physique est impossible. Je n'ai jamais de ma vie porté un coup. Alors, j'ai eu la chance, je me suis peu battu, parce que du coup, je suis ce qu'on appelle une victime, ou maintenant un bolos, donc j'ai des lunettes et tout, enfin j'avais des lunettes, donc du coup, je ne suis pas un enjeu important. J'étais choisi en dernier au foot, après les filles. le point mort. Je me rappelle qu'un jour, le prof de gym a organisé des combats de lutte, et donc il faisait lutter les garçons entre eux, les filles entre elles. Moi, j'ai lutté contre une fille qui était la plus chétive de la classe. Elle m'a mis la pâtée. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que je ne revendique pas de me sentir toujours dans la peau de ce gringalet chétif de 14 ans avec des lunettes. Ça me plairait, moi, d'en imposer, de savoir quoi faire, quoi dire. Je n'ai pas cette possibilité. La peur me paralyse immédiatement, la peur de la confrontation physique. Et ça, par exemple, c'est très difficile d'en parler. Si je suis avec ma petite amie et qu'elle se fait emmerder dans la rue, je ne peux pas réagir. Et je suis incapable de faire ce que je pense qu'elle attend de moi. Et c'est là où on va commencer à rentrer dans la zone dangereuse, c'est que je pense que quand même, on attend de moi que j'assume ce rôle-là. Et très peu de femmes vous diraient avec joie, je me suis fait emmerder, mon mec ne m'a pas défendu. Être un homme qui ne peut pas recourir à la violence, c'est très compliqué. Par rapport à l'être et au paraître, vous avez un look que vous cultivez. Ah oui, ouais. Et ça m'amuse de pouvoir mélanger justement alors des signes d'une ultra virilité comme la grosse barbe que j'ai en ce moment, par exemple, mais associé avec des boucles d'oreilles. Et puis là aujourd'hui j'ai qu'une seule bague, mais il y a des jours où il y en a plein. Je suis là dans une tenue un peu sportswear comme on dit, donc un peu masculine. Mais il y a des moments où je peux être beaucoup plus féminin ou beaucoup plus folle ou beaucoup plus ce que vous voulez. Et je m'en fous et ça m'amuse et je sais depuis l'adolescence que c'est un outil et que c'est en même temps un territoire de jeu J-E-U mais J-E aussi, devenir hyper visible, devenir au contraire invisible. Pour moi c'est important de pouvoir m'amuser avec ça. Alors toujours dans Chercher le garçon, il y a cette petite statue en bronze androgyne et ça s'appelle I am a man. Gresson Perry m'a fait cette proposition. Donc il s'agit de la réplique, ou plutôt d'un détournement d'une sculpture qui est dans Hyde Park, qui reprend la figure de Peter Pan. Donc Peter Pan, ce garçon qui ne veut pas grandir. Et là, donc il reprend exactement la même position, la même construction de la sculpture, sauf que le corps de Peter Pan est remplacé par le corps d'un trans F2M, donc qui est passé du genre féminin au genre masculin. Gresson Perry se fantasme en jeune fille, en petite fille même. Et donc il a inventé une sorte d'alter ego, de double, assez grotesque. Quand il va rencontrer la reine pour se faire remettre je ne sais plus trop quelle décoration, il y va habillé en petite fille, quoi. Et c'est un grand gaillard, il est massif, et il n'est pas du tout, il est dans une sexualité, un cadre sexuel tout à fait hétérosexuel. Et le mot virilité alors, qu'est-ce qui vous inspire ? Il m'inspire pas grand chose. Au fond, je sais pas très bien ce que c'est. Je sais pas ce que c'est qu'être viril. Je sais pas ce que c'est que. Alors si, je sais par défaut et je sais parce que j'ai lu des livres que des choses, mais je dirais que peut-être c'est ce qu'on attend de moi. C'est pas forcément des choses que je vais ressentir moi, mais on attend d'un homme qui soit efficace, qui soit courageux, qui soit en avant, en même temps qui soit attentif et attentionné à ces pauvres créatures que sont les femmes, etc., etc. Peut-être c'est ça la virilité, mais si c'est ça, ça m'intéresse pas. Je sais pas. Mais de la même manière, je sais pas ce que c'est que la féminité. Enfin, c'est exactement la même chose. Et après, moi, j'ai toujours été, et je suis toujours tout à fait à l'aise avec ma sexualité et avec. Elle ne m'est pas problématique. Elle ne m'a jamais été problématique. Je me suis jamais défini en fonction de ça. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de doutes ou de méfiance sur les assignations identitaires et sur dire je suis homosexuel. Je sais pas très bien ce que ça veut dire. J'ai une sexualité homosexuelle, là je vois bien. Enfin, moi je me sens plus à l'aise dans cette formulation-là. Qu'est-ce que ça veut dire être homosexuel ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est pas quelque chose de très essentialiste ? Moi j'en sais rien. Enfin, on peut avoir des pratiques sexuelles les plus révolutionnaires, queer, déviantes, etc., qui vont faire trembler le patriarcat, blablabla, blablabla, et qui en fait reconduisent absolument des schémas hétéronormatifs dingos, quoi. Donc, pour moi, c'est pas là que ça se joue. chose comme ça, si on occulte la main là, on est dans la lecture du corps, mais à un moment donné, on est un peu perdu, tu vois. Dans mon travail de sculpteur, j'ai deux approches. J'ai une approche figurative, plus sur le travail des femmes, et puis j'ai une approche abstraite, des objets sculpturels. Et ces objets tendent à se rapprocher de quelque chose qui pourrait être plus ou moins phallique. Il m'a fallu beaucoup de temps en tant que sculpteur pour m'autoriser à faire ces objets. Et voire même récemment, de faire des phallus ou des substituts de phallus dans différentes matières. Pas tant, d'ailleurs, cela, pas plus en terre, d'assumer... Les mecs, ils ont tous un zizi différent, et puis ils sont tous un peu dans cette morale judéo-chrétienne, coincés par l'imagerie qu'on renvoie du sexe de l'homme. Et ça fait, je trouve, ça fait beaucoup de bien à un homme, à un moment donné, de faire un pénis, de fabriquer un pénis. Après, on en fait ce qu'on veut. Mais pas du tout dans l'optique d'en faire un god ou d'un quelque chose d'usuel, non, pas du tout. Simplement d'être dans la représentation de cette partie de l'anatomie qui est un peu compliquée. Je pars de là où je viens. Donc je pars de ce truc-là. Après, ça veut dire que tu la sculptes, tu la moules. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais, j'ai déjà demandé à des nénettes de me faire des moulages de ma bite et pour voir ma bite autrement. Ouais, bien sûr, carrément. Ce qui est rigolo, c'est de se la représenter. Puisque là, on est vraiment dans une approche imaginaire. Et on l'a fait petite, grande, trapue, avec des textures particulières ou on délire complètement. C'est ça qui me fait plus rigoler. Je grandis et j'avance avec mon sexe, qui n'est pas naturellement le même à 20 ans qu'à 50 ans, et de m'en séparer aussi. Parce qu'à chaque fois que je fais une sculpture, c'est une partie de moi qui s'en va. Toi qui as des garçons, qui côtoient des jeunes hommes, tu les vois comment, les hommes de demain ? C'est une drôle de question que tu me poses, parce que j'ai mon grand-fils qui a 18 ans, m'a avoué il y a 2 ans qu'en fait il était plutôt attiré par les hommes. Donc déjà, moi, j'étais un peu surpris. Et mon plus petit, lui, me semble attiré par les femmes. Je pense que les jeunes vont savoir retrouver quelque chose de plus simple par rapport à une époque où il y avait beaucoup plus de codes et où, finalement, il fallait rentrer dans une case pour être identifiable en tant que personne sexuelle ou... Je pense que les jeunes s'en foutent un peu plus de ce truc-là. Si je reprends le lexique de la communauté de la séduction, du site Art de séduire de Selim, je trouve « shit test ». Lorsqu'une fille commence à vous poser des questions personnelles, gênantes, assez osées, c'est qu'elle essaye de vous déstabiliser, de vous piéger. C'est le shit test, une méthode qui n'existe quasiment que dans le milieu féminin. Vanitis. Le vanitis est une véritable obsession maladive que fait une personne en croyant en perdre une autre. De nombreux débutants, lors de leur première relation, se rendent malades à la rupture, pensant avoir gâché leur vie sentimentale. Ne tombez pas dans l'obsession amoureuse. Alors le vanitis, il s'agit pour les hommes de se détacher de toute dépendance. Donc d'une dépendance à l'amour, d'une dépendance à la sexualité, mais aussi d'une dépendance, par exemple, à autre chose, à l'alcool, aux jeux vidéo. Pour devenir un homme, il faut ne pas être dépendant. Ils ont eu, à un moment donné dans leur expérience, une sexualité débordante. Il est d'ailleurs nécessaire de le dire, hein. Ils le disent qu'ils ont eu une période d'activité sexuelle intense, ça fait bien de le dire, mais une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite s'en dégager. Et du coup, le vanitis, c'est la fixation amoureuse, hein. C'est comme ça qu'ils appellent la fixation amoureuse, et c'est vraiment le vanitis, le propre du débutant. C'est-à-dire qu'en général, c'est parce qu'ils ont fait un one-hitty, c'est parce qu'ils font une fixation amoureuse sur une femme qu'ils rentrent dans la communauté de la séduction. Et l'idée, c'est vraiment pour eux de se débarrasser de cet idéal amoureux-là, de la femme unique, la seule, et de ne plus subir cette espèce de sentiment amoureux qui envahirait tout l'espace. Il faudrait se contrôler ses sentiments pour devenir un homme. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souhaitent pas retomber amoureux, mais ils souhaitent retomber amoureux dans une forme de mesure, de conscience et de contrôle de leurs propres sentiments. Et ils se servent des techniques du développement personnel pour y parvenir, notamment de l'hypnose, mais aussi de la méditation. Ce sont des fans absolus total du yoga, par exemple. Voilà, ils ont plein de techniques, de techniques corporelles, de techniques psychologiques qui visent pour eux à apprendre comment est-ce qu'on peut se contrôler. Dans ce lexique de la séduction, je trouve aussi war pig, un terme pas très sympathique, désignant les filles peu attirantes physiquement. On avoue, entre potes, on note parfois les filles. Neg, remarque osée ou même parfois provocante, visant à déstabiliser votre target pour la faire descendre de son piédestal. À utiliser uniquement avec finesse, histoire d'intimider votre cible, de montrer que vous n'êtes pas soumis et que vous pouvez aussi prendre les devants. Aujourd'hui, ils ont tellement peur, certains, de « Ouais, mais attends, mais j'ai pas envie de passer pour un dragueur. » Il vaut mieux passer pour un dragueur que pour le bon copain, l'ami gay. Ouais, mais non, mais on n'est pas là pour ça. Voilà, c'est bon, elle te plaît, tu lui dis et tu n'as pas honte. Être un homme, c'est assumer son désir aussi, c'est pas seulement attendre que « Bon, Rémi, il serait pas le temps de m'embrasser là, c'est pas l'heure maintenant. » Non, non, à un moment, tu vois, il va falloir y aller, il va falloir se rapprocher, lui dire qu'elle a une jolie mèche qui dépasse, qu'elle a une plume, qu'est-ce que tu sens comme parfum. Attends, viens voir, je suis pas sûr de bien le connaître. Hop, un petit bisou dans le cou. Si ça lui plaît, c'est chouette, tu continues. Si ah, tu vas trop vite. Ah, mais non, mais pas du tout. Stop, fin. Tu as joué ton rôle d'homme. T'es pas non plus en train de la bâillonner, tu vois. Mais il faut assumer ce désir. Ceux qui ont peur, c'est effectivement ceux qui sont pas très sûr d'eux au sens où ah, mais j'ai pas envie qu'elle pense que je vais la violer, j'ai pas envie parce que à un moment je lui touche la main là et crie au harcèlement ou parce que je suis allé trop loin et du coup c'est un peu comme s'ils attendaient que tous les voyants soient au vert avant de tenter. Mais la séduction, c'est justement l'inverse, c'est une sorte de zone grise. C'est ça qui est très compliqué, c'est que les gens qui ont de l'expérience de ça, ils comprennent ce qu'on veut dire. Ceux qui ont de mauvaises expériences, au contraire, vont nous dire qu'on manque de clarté et que, en manquant de clarté, en ne mettant pas les bons mots, on favorise les comportements qui vont tendre vers le dérapage. Donc, on doit faire très, très attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Typiquement, allez, sur la tribune des 100 femmes, là, avec Catherine Deneuve, où il y avait le terme « liberté d'importuner ». Importuner, c'était pas très joli, c'était dommage. Liberté, pour moi, c'est le plus important. C'est qu'il faut être libre. Mais de se planter, de se prendre un râteau magistral et d'y aller, pouah, ça n'a pas marché. Et c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Quand je parcours votre livre, Mélanie Gourarier, je trouve là ces deux témoignages que vous avez récoltés de Nosferatu et Sam, qui ont tous les deux 19 ans. Je trouve que les féministes sont allées trop loin, parce qu'en pratique, elles ont tous les pouvoirs et elles continuent de contrôler notre sexualité. Elles continuent de faire leur princesse comme si elles étaient les seules à pouvoir choisir, à décider à notre place quand est-ce qu'on va baiser ou pas. Je ne vois pas pourquoi je dépendrais des caprices de ces demoiselles. Il faut surtout que les hommes reprennent leur place dans la séduction. Tout ce discours sur la libération sexuelle, c'est de la connerie. La libération sexuelle, c'est la plus grande arnaque qu'a inventée les femmes. Tout le monde croit qu'on est égaux dans la sexualité, mais les femmes, elles ont tout intérêt à continuer de dire non. Pour moi, c'est une question de stratégie sociale. Elles veillent sur leurs intérêts, mais du coup, tout ça mène à l'une des plus grandes manipulations de l'histoire. Pour la communauté de la séduction, la libération sexuelle est une arnaque, puisque la libération sexuelle aurait bénéficié exclusivement aux femmes. C'est-à-dire que selon eux, finalement, elles auraient acquis tous les pouvoirs. elles auraient acquis le pouvoir de dominer les hommes dans les rapports de séduction, puisque les hommes seraient encore dépendants du consentement. Et ça, pour eux, c'est vraiment l'origine du mal. Hein. C'est l'origine du pouvoir des femmes, c'est de maintenir le pouvoir de consentir. Et c'est à ça qu'ils s'attaquent, finalement. La libération sexuelle, finalement, pour eux, est moyen d'assujettir plus fortement les hommes. Puisqu'elles sont aujourd'hui capables d'entrer dans la sexualité de façon égale et avec autant une capacité de désir et de plaisir qui serait égale à celui des hommes, pourquoi est-ce qu'elles continueraient à contenir leur sexualité? Donc c'est dans ce contexte-là qu'ils considèrent qu'il faut finalement inverser la vapeur, quoi. Et ce serait aux hommes de contenir leur sexualité et priver les femmes finalement de l'accès au sexe. Et leur technique de séduction vise finalement à rendre les femmes dépendantes de leur sexualité. Et du coup, ils ont tout un apprentissage des techniques sexuelles qui visent à procurer du plaisir aux femmes. Alors, on pourrait trouver ça très sympathique. Hein. Or, on se rend compte très rapidement en regardant, en lisant, qu'il s'agit absolument pas de réciprocité, mais qu'il s'agit d'un moyen pour les hommes de s'approprier le pouvoir de faire jouir les femmes. Il s'agit réellement d'une volonté de pouvoir à travers l'appropriation de la sexualité des femmes. Philippe Arlin, vous êtes sexologue. La sexualité reste encore un lieu de pouvoir et de clivage. Le phallus continue à être l'axe central de la sexualité. Il faut déphalluciser, si ça pouvait être possible, sortir de ce tout phallus la sexualité. Il faut la corporaliser. C'est-à-dire qu'à force de faire reposer sur 10 cm carrés toute la définition de la masculinité, toute la définition de la virilité, toute la définition de la différence entre un homme et une femme, aujourd'hui c'est tellement fondamental qu'on ne peut pas définir tous ces stéréotypes de genre et dire aux hommes « mais après tout, votre bite, vous vous en foutez, c'est pas grave, c'est pas important ». On passe leur temps à leur dire l'inverse. On pense que les hommes sont dépositaires de la sexualité. Donc dès qu'on touche à la sexualité, on touche aux hommes. Les femmes ne doivent pas être élevées dans la peur de l'homme. L'homme n'est pas un monstre, il n'est pas un prédateur. S'il l'est, c'est parce que on a construit une société qui validait ce comportement. Aujourd'hui, on doit invalider ce comportement sans invalider l'homme. Donc, il y a des atavismes. Les atavismes, ça ne s'enlève pas parce que tout d'un coup, on s'en offusque. Il faut construire le nouveau modèle. La femme n'est pas au service de l'homme pour sa sexualité. Il faut qu'elle apprenne à oser dire qu'elle a envie. Il faudrait peut-être qu'on arrête de la traiter de salope aussi quand elle a envie. Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir. C'est pouvoir accueillir le désir sexuel de nos filles avec bienveillance, comme on l'accueille chez nos garçons comme un signe de bonne santé. Est-ce que les hommes fragiles ne séduisent pas pour autant certaines femmes? Ben là aussi, on va se poser des questions. Il y a toujours une double injonction. Les femmes critiquent à juste titre l'injonction masculine et du patriarcat qui les enferme dans le rôle de la maman et la putain. Il y a aussi une injonction avec le papa et le bad boy. Il y a quelque chose dans la figure du bad boy, du voyou, qui est extrêmement séduisante. Et là, il y a quelque chose qui me chiffonne. C'est juste que je me pose la question des modèles efficaces et séduisants. Moi, par exemple, les boîtes de nuit, ça n'a jamais fonctionné pour moi et pour certains de mes amis. Un endroit où on ne peut pas parler, j'ai aucune chance. Beaucoup de femmes vont vous dire, je sais, il y a un certain type d'hommes, quand ils rentrent dans une pièce, qui vont séduire absolument 90 à 100% des femmes présentes. Alors, on a tous des histoires dont on n'est pas toujours fiers. Il me semble qu'elles ne se font pas sur ces mêmes critères. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas attiré par les modèles de féminité dominants. c'est-à-dire les femmes très féminines, aux longs cheveux, très maquillées, qui ressemblent à des mannequins ou des actrices porno, par exemple. Je suis totalement indifférent à un top modèle ou une actrice porno, même en termes de séduction. Vraiment, bon. Au sein d'un chemin de vie comme ça, on peut avoir été amené en tant que personne à avoir du désir ou des pulsions comme ça pour des bad boys en tant que femme ou un homme pour une espèce de bimbo mannequin. On peut très bien être séduite par moment par un corps ou par moment par de l'esprit. Pas moi. Voilà. Moi, c'est impossible. Enfin, pour moi, la séduction, même le rapport sexuel, pour moi, a toujours fait partie d'un ensemble. Et si... Alors peut-être, oui, si on recherche un coup d'un soir. Et encore, pour moi, ça me paraît impossible de séparer ce qui est de l'ordre de la complicité, mais par l'humour, c'est pas seulement intellectuel, hein, ça va être l'humour, ça va être la vision du monde, ça va être un certain rapport au monde, une gestion du silence, une gestion de son corps dans l'espace. Il y a quelque chose dans ce désir de virilisme, de brutalité qui me paraît curieux. Parce que le virilisme et la brutalité, ça pour le coup, c'est pas un désir masculin. Alors, il y a des contradictions intimes. C'est ça qui est intéressant, c'est les contradictions. C'est ce qui nous traverse. Virginie Despentes parle très bien, encore une fois, dans Quiconque théorie, sur la question du viol réel et du viol comme fantasme. Le fantasme, c'est le terrain des possibles. On pourrait aussi avoir comme fantasme sexuel de marcher dans les prés, de faire l'amour dans les vagues et de se tenir par la main. Enfin, ça existe. Je veux dire, je dis pas... Chacun, dans sexualité, on va avoir des envies de moments sauvages, de débordements, de voilà et tout. Mais c'est curieux qu'on ait quand même. Pourquoi persiste ça? Et surtout, moi, franchement, j'ai pas de fantasme de viol. Je peux avoir des fantasmes de domination, mais qui vont passer par des jeux de rôle, des choses comme ça. Mais j'ai été, dans ma vie personnelle, sexuelle, confronté à des femmes qui me demandaient une violence et une réelle, hein, pour le coup, que j'avoue que j'étais incapable et que je n'avais aucun désir d'exercer. Bon, et je comprends tout à fait que ça soit excitant d'être prise, maintenue, attachée, insultée, j'imagine. C'est bizarre qu'on en revienne quand même, que ça soit toujours ça, quoi. Et que ça revienne aussi souvent. Moi, ça ne fait pas partie de mon répertoire habituel. Et je n'aurais aucun fantasme à faire quelque chose contre la volonté de quelqu'un. Alors, si on me le réclame, ça me met vraiment en porte-à-faux, par exemple. Ça, ça me questionne beaucoup, parce que je vois bien le kiff là-dessous, et on va me dire, il n'y a pas de contradiction, tout ça est possible. Oui, enfin, quand même. Voilà. Ce dont je voulais parler, c'est un peu de cette forme d'injonction contradictoire qui est faite aux hommes, de ma génération et des suivantes, de ne pas être un macho, mais d'être dominateur, d'être égalitaire dans la conception des rôles dans le couple, mais d'être quand même un sacré mec. C'est ainsi que les hommes se vivent. Portrait de quelques hommes après la révolution féministe. Avec Philippe Arlin, Sylvain Briot, Nicolas Desbon, Sylvain Gire, Mélanie Gourarier, Franck Lamy, Selim Niederhofer, Rémi et Pauline Rousseau. Grand merci à tous les hommes sollicités d'avoir eu la générosité d'exposer une partie de leur intimité. Une émission de Juliette Boutillier, réalisée par Vincent Deck. Oh, tu m'as encore, oh, tu m'as dit, assassine de la nuit. Bonhomme.